dans un tiroir les photos d'une belle histoire. Il était né à Memphis, elle c'était ma tante Gladys. Il portait bien l'uniforme, elle était jeune infirmière. Et il dansait le bebop pour oublier la sale guerre. Ça swingait au Blue Paradise, tout le monde était fou de Gladys. Mais au rendez-vous des G.I.s, seul avait le cœur de Gladys. Ça swingait au Blue Paradise, l'orchestre jouait mieux qu'à Memphis. Et entre John Murphy et Gladys, c'était la plus belle des love stories. La nuit il pleuvait des bombes, Gladys se tenait dans l'ombre. De guerre des nerfs en bataille, elle tremblait pour son G.I. Dès leur retour à la base, ils sautaient dans leur vieille jeep. Puis pour se saouler de jazz, elle pourquoi un porte-flip. Ça swingait au Blue Paradise, tout le monde était fou de Gladys. Mais au rendez-vous des G.I.s, un seul avait le cœur de Gladys. Ça swingait au Blue Paradise, l'orchestre jouait mieux qu'à Memphis. Et entre John Murphy et Gladys, c'était la plus belle des love stories. Tout le monde était fou de Gladys. Mais au rendez-vous des G.I.s, un seul avait le cœur de Gladys. Ça swingait au Blue Paradise, l'orchestre jouait mieux qu'à Memphis. Et entre John Murphy et Gladys, c'était la plus belle des love stories. Mais un soir ils s'embarquèrent sous un ciel triplé d'éclair. Penché sur le pont arrière, ils virent s'éloigner l'enfer. Là-bas dans le Pacifique, clignotaient des lumières bleues. Ils entendaient leur musique que quelqu'un jouait pour eux. Ça swingait au Blue Paradise, tout le monde était fou de Gladys. Mais au rendez-vous des G.I.s, un seul avait le cœur de Gladys. Ça swingait au Blue Paradise, l'orchestre jouait mieux qu'à Memphis. Et entre John Murphy et Gladys, c'était la plus belle des love stories. Entre John Murphy et Gladys, c'était la plus belle